Une expression très fréquente en allemand est l'équivalent de « je n'ai pas envie ». « Je n'ai pas envie de faire cela ». « Je n'ai pas envie de rester ici ». « Je n'ai pas envie d'aller là-bas ». « Je n'ai pas envie de l'acheter ». Comme pour « je n'ai pas le temps », qu'on avait traduit par « je n'ai aucun temps », on a maintenant « je n'ai pas envie » qui se dit « je n'ai aucune envie ». « Ich habe keine Lust ». « Lust » s'écrit L-U-S-T. « Ich habe keine Lust » signifie « je n'ai aucune envie ».« Envie » se dit « Lust ». Alors, comment direz-vous « je n'ai pas envie de faire ça »?« Ich habe keine Lust » de faire ça ?« Es zu tun ». Bien. « Ich habe keine Lust, es zu tun ». Et « je n'ai pas envie de rester ici ». Ich habe keine Lust, hier zu bleiben. C'est ça. Ich habe keine Lust, hier zu bleiben. Et je n'ai pas envie d'aller là-bas. Ich habe keine Lust, dorthin zu gehen. Très bien. Ich habe keine Lust, dorthin zu gehen. Je n'ai pas envie de l'acheter. Ich habe keine Lust, es zu kaufen. Bien. Ich habe keine Lust, es zu kaufen. Ich habe keine Lust. Dans tous ces exemples, le verbe à l'infinitif qui est à la fin de la phrase est précédé de zu, qui correspond au de français, donc de le faire, es zu kaufen. On retrouve la construction avec zu après d'autres verbes comme freuen. Se réjouir. Donc, après « ich freue mich », je suis heureux de faire cela, je me réjouis de faire cela. Ou « ça me réjouit », « es freut mich », « es freut mich ». Alors, comment dira-t-on « ça me réjouit de faire cela » avec « es freut mich »? Es freut mich, es zu tun. Es freut mich, es zu tun. Oui, es freut mich, es zu tun. Et comment diriez-vous en utilisant ich freue mich, je me réjouis de vous voir? Ich freue mich, sie zu sehen. Bien, ich freue mich, sie zu sehen. Ich freue mich sehr. Je suis très heureux, sie zu sehen, de vous voir. Vous entendrez très souvent dire « es freut mich sehr », littéralement « ça me réjouit beaucoup ». Donc on dit « ça me réjouit beaucoup de vous voir ».« Es freut mich sehr, sie zu sehen ». Je suis très heureux de vous voir. « Es freut mich sehr, sie zu sehen ». Vous entendrez aussi souvent dire au futur « ça me fera très plaisir de vous voir ». « Ça me réjouira beaucoup de vous voir ». À vous. « Ça me réjouira beaucoup ». Es wird. Bien. Es wird. Es wird. Me fera très plaisir, c'est-à-dire me réjouira beaucoup. Es wird. Es wird mich sehr freuen. Bien. Es wird mich sehr freuen. De vous voir. Sie zu sehen. D'accord. Alors encore une fois. Ça me fera très plaisir de vous voir. Es wird mich sehr freuen. Bien. Es wird mich sehr freuen, de vous voir. Sie zu sehen. Bien. Es wird mich sehr freuen, sie zu sehen. Es wird mich sehr freuen, c'est une expression très courante en allemand. Vous pouvez aussi dire, ça me ferait très plaisir de vous voir. Comment diriez-vous cela? Ça me ferait. Es werde. Non, würde. Es würde. En effet, ce n'est pas werde avec un E. Ça serait pour dire fera plaisir. Mais würde avec un U umlaut. Würde pour ferait plaisir. Alors, reprenons. Cela me ferait très plaisir de vous voir. Ça me réjouirait. Es würde mich freuen. Bien. Es würde mich freuen, de vous voir. Sie zu sehen. Es würde mich freuen, Sie zu sehen. Es würde mich sehr freuen, ça me ferait très plaisir. Donc, là, on a employé würde, la forme pour je, il, elle, ça, on. Pour nous, vous, le vous de politesse, et il ou elle au pluriel, c'est würden. Comme c'est un verbe porte-manteau, würde ou würden sont suivis par un verbe à l'infinitif, placé à la fin de la phrase. Dans une phrase comme « si je le pouvais, je le ferais », comment diriez-vous « je le ferais » ? « Ich würde es tun ». Bien, « ich würde es tun ». Et « il ne le ferait pas » se dit ? Er würde es nicht tun. D'accord. Er würde es nicht tun. Il ne le ferait pas. Comment diriez-vous « ce ne serait pas possible de le faire »? Ce ne serait pas possible. Es würde nicht möglich sein. Bien. Encore une fois. Ce ne serait pas possible de le faire. Es. Es würde nicht möglich sein. Bien. Es würde nicht möglich sein. Continuez. De le faire. Es. Es zu tun. Bien. Es zu tun. On a zu après l'adjectif möglich. Possible. De le faire, es zu tun. Es würde nicht möglich sein, es zu tun. Donc, pour ce ne serait pas possible, on a... Es würde nicht möglich sein. Bien. Es würde nicht möglich sein. Es würde sein, qui signifie ce serait. Oui. Et on a... Es war pour c'était. Alors, comment diriez-vous « ce n'était pas possible de le faire » ? Là, vous partez dans le Var. Es war nicht möglich, es zu tun. Bien. Es war nicht möglich, es zu tun. Ou était se dit war. Si la forme würde sein est difficile, je peux vous indiquer une autre forme. À partir de war, vous ajoutez un tréma, un umlaut sur le a pour faire wäre au lieu de war. On a alors aussi wären. Wären, w-a umlaut, r-e-n, wären et wäre. Cela veut dire exactement la même chose que würde sein, serait. On a alors Es wäre nicht möglich, à la place de Es würde nicht möglich sein.